Un poème. Thomas arrive chez ses amis. Jade travaille sur le tapis. Thomas écoute la radio. Jade porte un beau chapeau. Thomas étudie le menu. Jade trouve sa gomme perdue. Thomas commence ses devoirs. Jade mange une tarte aux poires. Thomas regarde un match de foot. Jade dessine un gros mammouth. Thomas joue avec son frère. Jade range ses affaires.